bien, notre troisième chanson, vous la connaissez. Si vous écoutez la chronique, c'est sûr que vous connaissez la troisième chanson. Ben, justement, parlons-en de cette troisième chanson, parce qu'on va imbriquer ça dans ta chronique, La langue dans ton oreille. Par contre, ça va être son propre segment indépendant, un peu comme je le fais d'habitude à Assemblage Requis. Oh oui, voici les paroles des autres. Tamisco en version live. Oui, acoustique en fait. En effet, ça faisait changement de l'intro de ta vraie chronique. Ce qui aurait dû jouer, c'est pas grave. C'était pour faire changement, c'était pour faire différent. C'était pour nous faire découvrir. Voilà, parce qu'on voulait pas faire jouer la même chanson que vous aviez entendu au début de la chronique quand même là.